الإنصات جيدا. الأمر الأول، كثير من الأسئلة التي كانت تأتيني عبر الهاتف هذه الليلة تتعلق بمسألتين. المسألة الأولى، السؤال عن بعض المشايخ الفضلاء الطيبين وعن الكلام فيهم. وأقول للإخوة، ينبغي أن نشتغل بالعلم، أما ما يجري من خلاف بين بعض المشايخ وكلهم سلفيون كما هو معلوم، فعلينا أن نضرب عنه صفحة. ترجمة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, Chir, avant de vouloir commencer les questions, donc il demande de prêter attention. Donc, Chir, donc ici, il met l'accent sur deux points importants. Que plusieurs ou beaucoup de questions qui ont été donc posées à Chir au téléphone sont sur des divergences qui existent entre les personnes de bien et les personnes de science connues. Donc, Chir dit bien que ce sont donc des personnes qui sont de bien et connues, et qu'il est recommandé et qu'il est demandé à la personne de tourner la page. ما قد يجري بين بعض المشايخ من سوء تفاهم أو خلاف وكلهم على خير، أرجو أن لا نشتغل به. Là où il y a eu des divergences entre les chouyours dans la mauvaise compréhension ou la divergence. Donc la personne demande ici donc l'allègement par rapport à cela, tassamon, donc l'excuse par rapport à cela. وأن يكون شغلا الشاغل هو السؤال عن مسائل العلم في الفقه في العقيدة في المنهج. Et aussi donc c'est-à-dire avant cela il avait dit de ne pas s'occuper de cela et qu'il faut s'occuper dans les sujets qui ont trait à la religion comme le dogme, comme le fiqh ou autre. أما الاشتغال بمسائل التي تثير الفتن بين الناس فأرجو عدم طرحها. Par contre, donc les sujets où il y a des divergences ou ces sujets donc amènent à des discordes ou autres, donc je vous demande de ne pas les poser. وعلى إخواني طلبة العلم أن يشتغلوا بما ينفعهم. Et aux étudiants de sciences de s'occuper de ce qui leur est profitable. وأن يتركوا عنهم بريات الطريق. Et qu'ils délaissent donc les quartiers sinueux ou plutôt les sentiers sinueux. وأن لا يشغلوا أنفسهم بفلان وعلان. Ne passent pas leur temps donc sur un tel et un tel. لأن بعض الخلافات خلافات يعني تحتاج إلى أن يعالجها العلماء. Donc certains خلافات sont ont des خلافات ici que certains savants donc devraient expliquer et les arranger. أما أن يشتغل بها صغار الطلاب فتلك مصيبة عظمى. Tandis que si les petits étudiants s'occupent de cela, cela donc est le grand malheur. Et avant que tu juges sur une personne, ou que tu descendes donc un décret religieux sur lui par le fait d'être innovateur ou pas, donc le mets entre tes deux yeux, tes deux yeux. La parole d'Allah Ta'ala. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Chaque parole qu'il prononce, il aura donc deux qui surveillent aux aguets. وقول الله تعالى. La parole d'Allah Ta'ala. ولا تقف ما ليس لك به علم. Ne recherche pas ce dont tu n'as pas science. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront questionnés. وأن يراقب الله عز وجل قبل أن يتكلم في أحد. Donc qu'il prête attention à Allah avant de parler sur quelqu'un. وأن يعلم وأن يحذر من خلطات من زلقات اللسان وخطورة اللسان. Qu'il prenne garde aussi donc de la mauvaise langue aussi que la langue lorsqu'elle glisse. فإن اللسان قد يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها. Donc des fois la langue ne peut amener à la personne donc ce dont il regrettera, c'est-à-dire dans le finir, dans le devenir. Il suffit pour la personne d'être menteuse lorsqu'elle répète tout ce qu'elle entend. وإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. Attention aux mauvais doutes car le mauvais doute est le pire des mensonges. ولا تشغلوا أنفسكم بالناس ولا تثيروا بينكم فتنا بسبب ذلك. Ne vous occupez pas des gens, ne vous divisez pas, ne soyez pas en discorde pour cela. ومن جاءكم يريد أن يعلمكم العقيدة والمنهج والعلم فأهلا وسهلا. ومن جاءكم يريد أن يفرق كلمتكم ويصنفكم إلى أقسام فابتعدوا عنه. Donc, si quelqu'un vient vous apprendre la science religieuse comme le dogme ou le manhaj et la science, donc bienvenue à lui. Mais si quelqu'un vient pour nous diviser, et diviser donc notre parole, alors non. Car Shaitan, bien sûr, met la pression entre les gens afin que les gens soient en discorde. Après, les gens, donc, considère que les petites choses ou les petits sujets deviennent sont des grands sujets. Donc prends garde à cela. Soit témoin, soit un réel témoin de ce que tu sais, sinon donc retiens ta langue. واعلم أن المرء قد يتكلم بالكلمة من سخط الله تقع به في جهنم 70 خريفا. Il est possible qu'une personne prononce une parole qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle soit jetée en enfer de 70 ans, 70 années. Deuxième sujet. Beaucoup de gens ont questionné donc, au téléphone. Donc beaucoup de gens posent la question sur le printemps arabe. لا ندري هو ربيع أم صقيع أم خريف أم تخطيط من أعداء الإسلام. ومنذ 3 سنوات ما حصلت في أهل ذلك الصقيع إلا الفوضى والدمار والخراب. ولتعلم رحمن الله وإياكم أن المظاهرات والإضرابات والاعتصامات ليست من دين الله بل هي من مخططات الماسونية. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يجتمع عليه أعداء السنة وهو على يقين بأنهم سيقتلونه. Alors qu'il sait, donc il sait clairement ou précisément qu'ils vont le tuer. Lorsque les compagnons sont venus pour le défendre, il leur a demandé de partir afin de protéger, de ne pas faire couler le sang des musulmans, le sang des compagnons. Il a même juré afin qu'ils restent chez eux. Il leur a dit, radiallahu anhu, أقسم على كل من لي في رقبته بيعة. Donc je jure donc sur tout ce qu'il y a, c'est-à-dire je jure pour par rapport à tout ce qui est sous donc mon aile. أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. Et qu'il reste chez lui, qu'il ferme sa porte. ومنعهم من الدفاع عنه. Il leur a interdit de le défendre. مع أن الدفاع عنه مشروع. Alors que la défense était légiférée. لكنه حرص على حقن دماء المسلمين. Mais il a surtout prêté attention à ce que le sang des musulmans ne coule pas. رضي الله عنه وأرضاه. L'agré de lui. فهلا سلكنا مسلك عثمان. Est-ce que notre sujet est le sujet de Othman? إن الصياح في الشوارع. Le fait de crier dans les rues. وسد طرق الناس. Et bloquer les routes, les rues des gens. تعطيل مصالح المسلمين والجلوس في الطرقات أمر محرم لا يقره الإسلام. فعلينا أن نتنبه لخطورة ذلك وعلى المسلمين التي حصلت فيها تلك الفتن. Et là où il y a eu donc des discords donc chez les musulmans, أن يلزموا بيوتهم donc ils restent plutôt chez eux حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. Donc que, afin que se repose donc وألا يشاركوا في هذه الفتن. Et que les musulmans ne prennent pas donc part à cette fitne. مع أي حزب كان. Avec n'importe quel parti qu'il soit. لأن التحزب أصلا في الإسلام محرم. Car le fait de faire un parti en islam est interdit. فالإسلام منهج واحد وطريق واحد. L'islam est une seule voie. وجماعة واحدة وطائفة واحدة. Un seul groupe. وفرقة واحدة. Aussi une seule secte. قال الله عز وجل. Allah dit. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Voici ma voie droite, suivez-la, ne suivez pas les voies qui vont vous égarer de cette voie. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a tracé un trait droit. وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. Il a tracé à sa droite et à sa gauche des voies. فقال هذا سبيل الله. Il a dit voici la voie d'Allah. يعني الخط الوسط. C'est-à-dire la voie du milieu. وتلك هي السبل. Et voici donc les voies. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. Et à chaque voie un diable qui appelle à cette voie. فإياك والانتماء إلى تلك الأحزاب. Donc prends garde de ne pas faire partie de ces sectes, ces groupes. بل انتمي إلى منهج السلف الصالح. Mais fais partie de la voie des plus prédécesseurs. منهج أهل السنة والجماعة. La voie des gens de la Sunna et du consensus. الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. Là, il n'y a pas d'exagération ni de délaissement. ولا غلو فيه ولا تقصير. Ni aussi donc d'exagération et de وهو الصراط المستقيم. C'est la voie droite. الذي من سلكه نجا. Celui qui l'apprend sera sauvé. ومن حاد عنه مع الأحزاب هلك. Et celui qui sort de cette voie donc va s'égarer. فاتقوا الله تبارك وتعالى. Craignez Allah le Très-Haut. واجتهدوا في الحرص على وحدة المسلمين على منهج الكتاب والسنة. Et prenez tous les soins afin de réunir les musulmans dans la Sunna. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الموحدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك عدة أسئلة تطرح على فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى. والسؤال الأول يقول السائل: اشتريت بيتا بطريقة ربوية وظننت ذلك حلالا. الفتوى صدرت ممن ينتسب إلى العلم، ماذا علي؟ وهل أبيع البيت؟ وهل يجوز لي أن أسكن فيه؟ وإذا بعته أكثر مما اشتريته ماذا أفعل بمن الزائد؟ أفيدونا وبارك الله فيكم. أنت الآن البيت قد دفعت ثمنه وانتهى. والمرابي لن يرد إليك الثمن. الذي أخذ الربا لن يرد إليك الثمن. Donc celui qui prend donc le riba donc bien sûr le prix n'est pas accepté n'est pas agréé. فتوب إلى الله عز وجل ولا أرى بأسا أن تسكن وإلا لو سألت من البداية لقلنا لكم لا تشتريه أبدا. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, vis dans cette maison et donc bien sûr si tu aurais posé la question avant. أما الآن فأرجو أن لا يكون عليك شيء. Actuellement, donc, on espère qu'il n'y a rien contre toi. Non, fada. Donc, j'ai donné la question, mais j'ai pas dit la question. J'ai donné la réponse sans réponse. Sans la question, donc, c'est j'ai acheté une maison par intérêt, au prix usuraire, pensant que cela était licite. Donc, d'après le fatwa émanant de celui qui est considéré comme une personne de science. Que dois-je faire dans ce cas? Dois-je vendre la maison? M'est-il permis d'y habiter? Et si je mets de à la vente en générant des dégâts, que dois-je faire avec le bénéfice? Donc, je suis répondu. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ بين ايش؟ في باب الاسماء والصفات الرجل والقدم. نعم ذكر الله الرجل وذكر القدم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وذكر القدم. فنقول نثبت لله رجلا ولا نثبت ونثبت له قدما. نثبت الرجل ونثبت القدم ولا نقول شكل الرجل كذا وشكل قدمه كذا. بل نثبتهما على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم. Donc il y a-t-il une différence entre le pied et le talent si réellement c'est la traduction? Donc Chéri dit exactement que cela a été donc reconnu, approuvé donc, dans le Coran, c'est-à-dire dans l'islam. Donc il y a des preuves pour le rijl, il y a des preuves aussi pour le talent. Et donc on les affirme de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, mais sans donner le comment. وقد ورد اللفظان في السنة في حديثين مستقلين فإذا نثبتهما ولا نكيفهما كما بينت لكم القواعد اليوم في باب الأسماء والصفات. Donc les deux ont été mentionnés dans deux récits prophétiques donc différents. Bien sûr, nous n'avons pas donné de comment dans cela. Et nous avons discuté de cela tout à l'heure. السؤال نقطة الثالث فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. وإليكم. ما هو الراجح بين ما يجوز في تأويل يعني تأويله وما لا يجوز في باب الصفات في باب الأسماء والصفات؟ في باب الصفات لا يجوز التأويل. ليس هناك قولان حتى نقول راجح ومرجوح. ترجم الكلمة كلمة. Donc la question est quel est l'avis retenu dans le domaine des noms et attributs pour ce que l'on peut interpréter ou pas. لم يختلف السلف في أن الصفات لا يجوز تأويلها بحال من الأحوال. Donc Cheikh dit qu'il est interdit d'interpréter dans le nom dans le domaine des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc il n'y a pas ici de rajih d'avis retenu dans cela. Et il y a consensus chez les plus prédécesseurs, il n'y a pas de divergence envers eux pour dire qu'il y a ici donc on peut se permettre d'interpréter dans le domaine des noms et attributs. ويمكن أن يكون الأخ أشكل عليه التفسير. التفسير غير التأويل المذموم. Donc Cheikh pense que sûrement la personne a voulu peut-être mentionner, voulu dire ici donc le tafsir, c'est-à-dire l'explication, mais le tafsir ne fait pas partie de la fosse. فعندما نقول استوى بمعنى صعد وعلى ليس في هذا التأويل وإنما هو تفسير. Donc le fait de dire qu'il est au-dessus de son trône, c'est-à-dire صعد وعلى, donc le fait qu'il est élevé sur son trône, ne veut pas dire ici donc c'est le tafsir dans ses explications. لكن عندما يقال استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة فهذا هو التأويل المذموم. Tandis que si le mot استوى donc voudrait dire en réalité le fait de prendre par force ou autre, donc cela bien sûr fait partie de l'interprétation qui est réprimandée. وعندما يقال اليد بمعنى القدرة هذا هو التأويل. Lorsqu'on dit que la main fait partie donc signifie la force, cela fait partie aussi de la mauvaise interprétation qui est réprimandée. وعندما يقال الوجه بمعنى الملك هذا هو التأويل المذموم. De la même façon que lorsque on le visage, on veut dire ici que c'est la royauté, ça fait partie aussi des mauvaises interprétations qui sont réprimandées. فنحن نثبت الأسماء والصفات على الوجه الله ونقر بمعانيها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. Nous affirmons et reconnaissons les noms et attributs donc en ce qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. السؤال الرابع كيف نجمع بين القول بأن العلم لا يؤخذ إلا من أفواه العلماء وبين أن لا يكون شيخنا الكتاب علما بأننا نعيش في بلاد ليس فيه علماء. ممكن أن تجتهدوا في الأخذ عن العلماء بطريق أشرطتهم وكتبهم المؤلفة في شروح المتون الشرعية. Il est donc possible d'apprendre la science religieuse à travers les audios, donc à travers les audios, ainsi qu'à travers les livres avec les explications qui sont donc légiférées. وإذا أشكل عليكم شيء تتصلون بالمشايخ والعلماء وهم يجيبونكم بإذن الله. Ici donc quelques questions vous viennent, donc si vous avez des problèmes de compréhension dans certains domaines, en ce moment-là, appelez donc les gens de science qui vont vous expliquer dans ce domaine. Non. Donc ici la question est en fait comment concilier entre le fait que la science religieuse ne se prend que de la bouche des savants et le fait que le livre ne doit pas être notre chir, sachant que l'on vit dans un pays où il n'y a pas de savants. السؤال الخامس بما يتميز من هو العامي ومن هو طالب العلم. العامي طالب العلم هو الذي يميز بين الأشياء ويعرف يعني كيف يتعامل مع مسائل الشرع ومع كتب السلف ومن يختار من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون والعامي هو الذي لا يجيد مثل هذا الفن فالعامي يسأل العلماء أو يسأل طلبة العلم الموثوقين الذين تتلمذوا على العلماء. Donc l'étudiant en sciences est celui qui peut différencier entre les choses, ainsi donc aussi il revient au savant et autres, donc chez l'interlocuteur. Et aussi il dit que l'ami, donc la personne de la masse, donc le musulman de la masse, lui ne peut pas arrêter de faire la part des choses, et il doit revenir vers les savants, ou il doit revenir vers les étudiants en sciences qui ont été donc agréés par les savants et qui ont étudié chez les savants. L'étudiant en religion est toujours étudiant en religion tant qu'il continue à rechercher la science. S'il pense qu'il a su, en vérité, il a été plutôt ignorant. Car certains en sont touchés par l'orgueil. Il prétend avoir de la science alors qu'il n'en a pas. Afin que les gens l'écoutent. فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من المتعالمين من الناس. Donc on doit faire attention de entre cette catégorie de personnes. يعني جاءني سؤال من إحدى الأخوات الليلة يقول إن هناك شخص يقول إنه شيخ وأنه يقول ينبغي وأنه يرى أن المرأة التي تقرأ عليه القرآن تكشف وجهها من أجل أن يرى كيفية نطق شفتيها بالآيات أو بمخارج الحروف. إن كان الأخت صادقة في هذا فهذا يجب أن يطرد من البلد ولا ينبغي أن يسمع له. Donc une fille ou une femme donc dit que son chir dans le Coran donc a dit qu'il lui était permis donc de découvrir son visage afin qu'il voit donc les lèvres bouger lorsqu'elle le récite. Est-ce que réellement elle bouge les lèvres comme il le faut? Et si réellement donc la cette question est réelle, le cas de cette personne est réelle. En vérité, cette personne, donc il est demandé qu'elle soit expulsée en vérité de ce pays. Il y a trois conditions pour que la femme puisse apprendre donc, chez les shuyukh. La première condition, c'est que son tuteur soit là. Qu'il lui parle donc derrière un mur ou derrière une séparation. Sans qu'il y ait donc le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils restent ensemble seuls. Donc sa récitation doit être d'une voix neutre, donc d'une voix simple. Il ne faut pas que ce soit une voix qui soit embellie ou douce. هذا إن اضطرت إلى ذلك. أما يوجد أخوات يدرسنها القرآن فلا تذهب إلى الرجال. Cela, si réellement il a besoin que ce soit un homme. Sinon, s'il y a des sœurs, elle ne doit pas aller donc chez s'il y a des marques des femmes, elle ne doit pas aller chez les hommes. Donc, attention à ceux qui prétendent avoir donc la science. Qui, donc parmi ceux qui enseignent, donc disent cela. Disent le fait que la femme doit montrer son visage et lire, donc de voir donc, comment les lèvres bougent, afin de voir si réellement donc, les sons sortent bien. Donc, si réellement cela est vrai, donc cette personne n'est pas en vrai un chir, mais plutôt donc, elle mérite la réprimande. حصل بيني وبين زوجتي كلاما حتى وصل الأمر إلى أن قالت لي طلقني فطلقتها وأنا ربان وما أريد ذلك هل يقاه الطلاق؟ الله يا أخي الكريم في موضوع الطلاق أنا لا أفتي أعفوني من هذا. Donc la question était sur le divorce, donc Shir a dit que je ne réponds pas dans le cas du divorce. Donc pardonnez-moi par rapport à ça. السؤال السابع حفظك الله في مسجدنا الوحيد في مدينتنا يصلون صلاة الصبح قبل الوقت ماذا علينا أن نعمل في هذا الحال؟ ماذا في إيش؟ ماذا علينا أن نعمل في ماذا؟ في أي مكان؟ في مسجدنا هنا في فرنسا مسجدهم يصلون قبل الوقت؟ نعم الوحيد في مدينتنا يصلون صلاة الصبح قبل الوقت لكن أنا ما أدري هل أنت متيقن أنهم يصلون قبل الوقت؟ Donc je ne sais pas dire, est-ce que tu es sûr qu'il prie réellement avant l'heure? لأن هذا قاله بعض الجهلة. Certains ignorants le disent. عندنا في الحرمين. Chez nous, dans les deux mosquées. وزعموا أن تقويم أم القرى الذي نمشي عليه أنه قبل الفجر بربع ساعة. Donc ils prétendent que on prie donc Umm al-Qura, c'est-à-dire à Mecca et les alentours, donc la prière du Subh d'un quart d'heure avant. حتى إن بعضهم وأنا أعرف من بعض البلاد الإسلامية كانوا يفطرون قبل أن يفطر المسلمون في الحرمين. Donc certains dans d'autres pays donc justement donc rompaient le jeûne. بدعوى أن الناس يتأخرون في الفطر. Donc avant que les gens ont rompu donc le حرمين en disant que les gens avaient été retardés le fait de rompre le jeûne. ويأكلون بعد الفجر إلى قرب الإقامة. Et ils mangent donc au fajr jusqu'à l'approche de l'إقامة. وهم جهال تماما. Ce sont réellement des ignorants. لأن العلماء عندنا تتبعوا طلوع الفجر فوجدوه مطابقا لتقويم أم القرى خلافا لما يشيع هؤلاء. Et nos savants ont réellement donc recherché après le lever du soleil et ont vu réellement qu'il correspond à c'est-à-dire aux horaires donnés à Umm al-Qura. وقد طرح علي هذا السؤال من المغرب ومن ليبيا ومن تونس فهل كل الناس يعني كل هذه المساجد على خطأ إلا أولئك القلة؟ Donc on m'a déjà questionné au Maroc, en Libye, est-ce que toutes ces mosquées se trompent à part quelques personnes? أنا أقول إذا كان المسلمون قد تحرروا في هذا البلد فصلوا معهم ولا تشذوا. Je dis que si réellement donc, les musulmans ont recherché donc les heures de prière comme il le faut dans ce pays, donc prie avec eux et donc ne soyez pas à l'écart. لأن هذه الدعاوى نعاني منها من 30 سنة وكلها غير صحيحة. Donc ce sont des prétentions qui sont connues depuis 30 ans et elles sont fausses. أنا لا أدري عن بلدكم لكن هذا الذي واجهته في كثير من البلاد في المغرب في الجزائر في ليبيا في تونس في مصر ثم وصلوا إلى أن يأتوا عندنا ويقولون هذا الكلام وكلهم من أهل تلك البلاد. Je dis que je ne sais pas donc vis-à-vis de ce pays, mais je sais que beaucoup de questions ont été posées donc ce sont au grand Maghreb même en Égypte. ولما اكتشفت أنهم قد بالغوا في عندنا ولم يكونوا صادقين في هذه الدعوة أدركت أن بعضهم لا يصوم ما صام رمضان أبدا كل يوم يأكل إلى قرب الإقامة. Donc lorsqu'on a vu que ces gens avaient été se tromper lorsqu'ils ont aussi donc dit la même chose. أو يفطر قبل أن يؤذن المؤذن من عندنا. On a remarqué chez eux qu'en réalité ils n'ont même pas jeûné parce qu'ils rompaient le jeûne tout le temps donc avant l'heure. فعلى الشباب خاصة أن يراجعوا أنفسهم في هذه القضايا وأن لا يبالغوا فيها. Donc mon conseil aux jeunes donc c'est donc en fait de ne pas exagérer dans ce domaine. نعم تفضل. السؤال الثامن عائلة فرنسية كانت نصرانية فمن الله على جميع أفرادها هذه العائلة الإسلام ولكن كلما حولوا الصلاة تعرضوا لأذية الجن فتركوا الصلاة لهذا السبب ثم تطور الأمر إلى محاورة الجن يقظة على أساس بأنهم جن مسلمون وناصحون وأخبروهم بأن ما بهم وإنما هو من قبل السحر نريد منكم نصيحة وتوجيها عقديا لهذه العائلة نظرا لكثرة الأوقات الذين يستغيثون بالجن مما يفسد الناس عقائدهم. والله أنا لا أدري عن ما أدري هل هذا الكلام يعني حصل حوار بينهم وبين الجن ولا ما أدري عن صحة مثل هذه الدعوة ولكن عليهم أن يتحصنوا بذكر الله. Donc, Chir, la question est non. Une famille française complète a embrassé l'islam, mais dès qu'ils se mettent à prier, les djinns les attaquent, et cela les a amenés à délaisser la prière. Plus encore, cette famille s'est mise à discuter ouvertement avec les djinns, sous prétexte qu'ils sont musulmans et conseillers. Donc, ces djinns musulmans leur ont dit qu'ils ont été touchés par la sorcellerie. Nous désirons de notre Chir des conseils et des orientations touchant le dogme pour cette famille, du fait que beaucoup d'exorciseurs usent de djinns, ce qui entache la croyance. وأرى وعليهم أن يكثروا من تلاوة القرآن. Donc Chir donc rappelle qu'ils devraient donc invoquer Allah سبحانه وتعالى et lire beaucoup le livre d'Allah سبحانه وتعالى le Coran. فإن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. Car dans les maisons où la sourate d'Allah est récitée, le diable n'y entre pas. وأنصحهم أن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء. et je leur recommande d'être assidus au rappel des invocations du matin et du soir, ainsi que les invocations de la sortie de la maison et du matin, ainsi que les invocations du voyage et les invocations au moment du sommeil, ainsi que les invocations après chaque prière. Qu'il patiente et recherche la récompense auprès d'Allah et Allah retirera cette chose avec sa volonté. السؤال العاشر كيف نفهم القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقتها في وقت الحاجة لا يجوز البيان عن وقت الحاجة يعني إذا رأيت شيئا منكرا أو مخالفة فلا يجوز لك السكوت ولكن عليك بالحكمة والموعظة الحسنة Donc la question est comment devons-nous comprendre la règle? Donc est-il interdit de repousser donc l'exercicement d'une chose donc de son moment nécessaire? Donc je dis que cela c'est une règle donc que lorsque tu vois donc quelque chose de réprimandable donc tu dois le réprimander et bien sûr donc et tu dois user bien sûr donc de la sagesse et de la bonne exhortation. Et que tu commences par ce qui est le plus important d'abord. Donc tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui tourne autour des tombes ou autre et que tu vas lui dire donc laisse pousser ta barbe. Car il doit d'abord donc entrer dans l'islam. Et après, donc, tu lui expliqueras les choses de l'islam donc, petit à petit. Des gens sont venus donc, aujourd'hui, ont voulu l'islam, entrer en islam. Leur est venu un da'i qui est ignorant. Il leur a dit en premier lieu donc, faites votre circoncision. فقالوا ما دام إسلامكم يأمرنا بقطع مذاكيرنا لن نسلم. Donc si votre islam nous ordonne donc de couper donc notre. فهل يبدأ بالإسلام؟ On entre par l'islam. فهل نبدأ بهذه الكيفية ونقول البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة؟ Est-ce qu'à ce moment-là on va utiliser donc la règle le fait de repousser donc l'éclaircissement donc de son heure nécessaire؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. Lorsqu'il a envoyé Mouaz au Yémen. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Il lui a dit que tu vas aller à l'encontre des gens du livre, d'un peuple des gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose dont tu vas les appeler, c'est attester qu'il n'y a nulle divinité à part Allah. يعني تبدأ بالتوحيد. لا تبدأ حتى بالصلاة. Tu vas commencer par une cité, tu ne vas même pas commencer par la prière. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك. Et il dit après, et ça, il te répond après cela. Annonce-leur qu'Allah leur a ordonné dans 5 prières de jour comme de nuit. Et il dit, et s'ils t'ont répondu pour cela, annonce-leur qu'Allah leur a donc rendu obligatoire donc l'aumône qui est prise de leur de chez leurs riches pour donner aux pauvres. وهكذا تدعو الناس بالتدرج. Donc c'est comme ça que tu appelles les gens. شيئا فشيئا. Étape, petit à petit. And step by step. ما أدري بلغتكم أنتم ما أدري. Pas. المهم أنك تأتي الإنسان تبدأ معه. بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم تبدأ بالأمور الأخرى إذا يعني لا يعني يأتيك شخص يسلم اليوم تقول له اذهب أنت وأخرج الزكاة لا قد يبخل بالمال علمه التوحيد ثم علمه الصلاة ثم علمه الزكاة ثم ابدأ شيئا فشيئا حتى يفهم جميع شرائع الإسلام. Donc tu dois commencer par ce qui est le plus obligatoire comme une cité après la prière. Donc après le jeûne et donc en suivant bien sûr donc les étapes Donc tu ne vas pas commencer à, dès le premier jour de lui dire paye la zakat parce qu'il est avare, donc il ne va, bien sûr qu'il ne va rien payer. وبعض الناس قد يفهم من تأخير البيان أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أنه يذهب ويهاجم الناس إذا رأى مخالفة ويغير بالقوة هذا ليس بصحيح. Certains peuvent comprendre donc de cette règle que si maintenant on voit quelqu'un donc commettre un péché, c'est de venir le réprimander avec force. Cela bien sûr ne fait pas partie donc de ce que l'on doit faire. أو يقف ويسب الناس ويهجوهم Ou il s'arrête et insulte les gens, donc il les attaque. Cela aussi est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, lorsqu'il a mentionné les caractéristiques de son envoyé, de par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Si tu étais dur, donc au cœur rude, les gens se seraient sauvés de toi. فانتبهوا لهذه المسألة يعني يتصدى لها العلماء البيان الذي لا يؤخر عن وقت الحاجة يبينه العلماء والربانيون بحيث لا يترتب على دعوتهم فتنة بعد ذلك. Donc bien sûr donc ces sujets doivent être expliqués et éclaircis par les gens de science afin que les discords les turbitudes donc ne viennent pas donc par rapport à cela. نعم. انتهت الأسئلة؟ عشان كان في كثير من الأسئلة لكن هل نزيد؟ اختر سؤالين ثم نختم إن شاء الله. السؤال الاختلاف في الفقه هل هو من رحمة الله عز وجل أو من نقم الله عز وجل من نقمة الله عز وجل الاختلاف لا يكون رحمة بدليل قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك La question est-ce que la divergence fait partie de la miséricorde d'Allah ou plutôt plus de sa malédiction Donc le Cheikh dit que la divergence ne peut pas faire partie donc de la miséricorde. C'est pour ça qu'il a mentionné le verset. Ils sont toujours donc, en divergence, sauf ceux qui ont été donc, touchés par sa sainte miséricorde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالٍ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ Donc il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certes ceux qui ont péri parmi vous, c'est donc avant vous, étaient donc ceux qui ont avait beaucoup de questions, posé beaucoup de questions, mais étaient en divergence avec leurs envoyés. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما قرأ بعض الصحابة قراءتين مختلفتين فاختلف الناس مع أن كليهما صحيحة لكنه غضب على مسألة الاختلاف. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère lorsque deux personnes récitaient de façon différente alors que les deux récitations étaient authentiques, mais il a été en colère du fait que les gens étaient en divergence. والاختلاف نوعان. Il y a deux catégories de divergence. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. Donc il y a la divergence qui est de panoplie et celle qui est donc réellement de contradiction. فاختلاف التنوع لا شك أنه جائز. Donc cette divergence qui est en vérité donc plusieurs domaines différents, cela est permis. مثلا صيغ أنواع الاستفتاح دعاء الاستفتاح. Donc à titre d'exemple donc les invocations qui sont en début de prière. فيه تسع الصيغ فأيها أديت كان أداؤك صحيحا. Il y a neuf donc façons de faire que tu récites n'importe laquelle d'entre elles, elle est valable et elle est authentique. وهنا صيغ للتشهد. De la même façon pour le تشهد. كلها صحيحة. Toutes sont authentiques. ولا يعترض على من اختلف فيها. Et on ne peut pas donc s'en prendre à celui qui se rend divergence par rapport à cela. وكذلك في صيغ السلام. عند الانصراف من الصلاة. De la même façon pour le salut final, la prière. فكل اختلاف تنوع. Donc tout cela fait partie de l'ikhtilaf et tanawwu. وكذلك صفات صلاة صفات صلاة الخوف اختلاف تنوع. De la même façon pour la façon de prier la prière de la peur. فهذا يسوغ ولا بأس به. Donc cela est permis, il n'y a pas de mal dans cela. أما الاختلاف أما اختلاف التضاد Par contre, donc les divergences où il y a contradiction et opposition, la personne donc dit une parole qui est autre que celle de l'autre, que ce soit dans le domaine de la jurisprudence ou dans le domaine du dogme. Donc, par contre, si c'est dans le domaine du dogme, bien sûr, cela est rejeté et interdit. أما في الاختلاف التضاد في الفقه، tandis que l'ikhtilaf donc en opposition dans le fiqh، فعلى طالب العلم أن ينظر في الأدلة، l'étudiant en sciences religieuses doit regarder les textes religieux، ويأخذ ما يظهر له رجحانه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، il doit prendre ce qu'il considère donc être le plus juste et le plus valable à travers le Coran et la Sunna. أما كون الاختلاف رحمة هذا غير صحيح. Tandis que le fait de dire que la divergence est une miséricorde, cela n'est pas vrai. Et le hadith que certains fuqaha, donc certaines personnes de science, donc parmi les nouvelles générations, propagent, donc ce hadith en réalité est inventé. فإنه يجب علينا أن نلتمس العذر فيما أخطأ فيه الأئمة. Par contre, dans les divergences qu'il y a dans le domaine de la jurisprudence, nous devons donc donner des excuses là où il y a des divergences entre les imams. لأنهم لم يختلفوا عن هوى وإنما عن اجتهاد. Car ils n'ont pas été en divergence, en contradiction, à partir de leur propre passion, mais c'était plutôt donc des efforts d'interprétation. فقد يصح الدليل عند هذا ولم يثبت عند ذاك. Car il est possible que donc la preuve soit authentique chez l'un et pas authentique chez l'autre. وقد يرى آخر أن هذا الدليل ناسخ والآخر الدليل آخر منسوخ ولا يراه الثاني. Donc des fois un voit que la preuve est abrogante ou l'autre est abrogé. وقد يكون عذره في في فهم بعض الكلمات. Et aussi des fois donc son excuse est par le fait de comprendre certains mots. فندعو لهم ولا نتعصب لأحد منهم. Nous invoquons pour eux et nous ne sommes pas donc c'est-à-dire le fait de يعني ندعو الأئمة الأربعة وغيرهم ندعو لهم لكن لا نتعصب لواحد منهم. Nous invoquons pour eux, nous ne sommes pas donc butés sur l'un d'entre eux. ومن أراد الفهم في هذه المسألة فليقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Celui qui veut avoir dans des détails dans ce sujet dans ce domaine qui lise dans le livre du cheikh Ibn Taymiyyah رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإنه بين عذر كل إمام فيما أخطأ فيه. Il a donné l'excuse de chaque imam là où il s'est trompé. فاقرأوا هذا الكتاب قراءة جيدة. Lisez bien ce livre. نعم. سؤال أخير. كم بقى عندنا؟ باقي لنا 20 دقيقة. طيب اطرح سؤال اختر سؤال بعده. طيب هل ورد يعني في آخر رمضان لما كمل الإمام قراءة القرآن أن يضع يعني دعاء خاص للأموات لكي هذه الدعوات لتفيد هؤلاء الأموات دعاء خاص للأموات؟ نعم المسلمين ينبغي أن يدعو للأموات في كل وقت لكن لم يرد تخصيص ذلك في شهر رمضان donc à la fin du mois de Ramadan après avoir terminé la lecture du Coran donc certains disent donc invoquent pour les morts pensant qu'il y a donc une invocation qui est précise en ce moment-là لكن ندعو للأموات عند زيارة القبور Donc, chers amis, nous invoquons de façon générale pour les morts, mais il n'y a pas d'invocation précise à des moments bien précis. Lorsqu'on visite les tombes, ainsi que lorsqu'on est dans la prière aussi, donc la prière du Nord. وتدعو لهم في أي وقت ليس هناك واحد وقت محدود ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc tu en avais pour eux en tout temps et il a mentionné donc le verset qui dit que notre Seigneur donc pardonne-nous ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, et ne place pas de hantise, c'est-à-dire dans nos cœurs pour ceux qui ont cru en nous. Et donc notre Seigneur, donc tu es certes donc pardonné à mes appels. تفضل قد نستمر في الأسئلة سامي السلام عليكم أخ أخ يعمل في مطعم واتفق مع صاحب المطعم في راتب الشهري ولكن ما أعطاه إياه اتفق ايش؟ اتفق على مبلغ معين يعني اقصد مبلغ معين في اجره معينه في شيء شهري ولكن ما اعطاه اياه كاملا فماذا يفعلون في ذلك؟ والله لا ادري يعني اما ان يجتهد في طلب حقه او يشكوه الى الجهات المسؤوله هذا راجع له او يعفو عنه كما يريد يعني أنا لا أستطيع أن أفعل به شيئا وإذا كان لم يعطيه حقه يعني هو بين خيارات إما أن يطالبه ويستمر في مطالبته أو يشكوه على الجهات المسؤولة أو يسامحه نعم Donc la question est, je travaille donc dans un restaurant et je me suis arrangé pour un service de bien défini avec le patron et il ne m'a pas payé donc complètement ma paye. Donc il pose la question que dois-je faire et Chiré dit je ne sais pas au début. Donc, il dit ou bien il fait les efforts afin de récupérer donc, son argent, ou il se plaint aux autorités compétentes, ou il lui pardonne. Il dit mais moi je ne peux rien faire pour toi. Bismillahirrahmanirrahim. في القاعدة الضروريات يعني الضرورات تبيح المحظورات. هذه من القواعد الأصولية المعروفة عند أهل العلم من أن الضرورات تبيح المحظورات. Donc la personne demande sur la règle, la règle qui dit que les nécessités permettent. لكن لا يجوز التوسع فيها. Donc Chirik fait ce que ça fait partie des règles de base, mais il est interdit d'élargir dans ce domaine-là. Les gens le sens disent donc, que les nécessités donc, seront bien sûr bien délimitées et déterminées. Si quelqu'un doit obligatoirement manger donc, une bête morte alors qu'il a faim, il n'a pas trouvé d'autre que cela. وخشي على نفسه الهلاك. Il a peur que donc pour lui qu'il lui arrive quelque chose donc mourir. فلا بأس أن يأكل منها. En ce moment-là, il lui est permis de manger de cela. ولو أن أحد الأخوات ou si une des sœurs مريضت donc est malade ولم توجد طبيبة تقوم باللازم. Il n'y a pas donc de médecin femme qui peut s'occuper de cela. فيمكن أن يعالجها الطبيب. Il lui est permis donc à ce moment-là que ce soit un médecin homme qui s'occupe d'elle أولاً, avec deux conditions qu'il n'y a pas de femme donc qui est spécialisée dans ce domaine parce que s'il y a un médecin femme elle ne doit pas aller chez un médecin homme وثانياً, deuxièmement أن يقتصر على النظر في مكان المكان الذي يحتاج إلى علاج. Donc il se restreint à regarder juste l'endroit où il a besoin donc, de guérir. Et il ne doit pas regarder donc, le reste du corps. Le reste du corps. Donc s'il élargisse dans cela, donc cela est interdit. Donc ce n'est pas une règle qui est absolue. وإنما لا بد فيها من أن يكون مضطرا بالفعل. Donc réellement il y a une nécessité donc absolue pour faire cela. هذه هي الضرورة نعم. Donc, السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو الحكم؟ يعني ما هو الحكم في من يتعلم المتون والأحاديث ويترك تعلم القرآن؟ على المسلم أن يبدأ في العلوم جنبا إلى جنب، وأساسها هو القرآن. Donc quel est le jugement sur le fait d'apprendre les mots de Hadith en dirigeant le Coran? Donc Chirac dit que la personne donc, doit apprendre donc, les domaines, donc les après les autres, c'est-à-dire un avec l'autre, et en commençant bien sûr en commençant par le Coran. L'apprentissage du Coran qui va t'aider à apprendre les autres domaines. Nous avons facilité donc, d'apprendre le rappel. Y a-t-il des gens qui veulent apprendre ou qui veulent donc, se rappeler? Donc la personne apprend le Coran petit à petit avec d'autres moutons. Il n'y a pas de contradiction en cela. Il doit donc gérer son temps dans la recherche de la science. وإن أفضل وقت لحفظ القرآن هو قبيل الفجر أو بعده. Le meilleur moment pour apprendre le Coran c'est peu avant ou après le Fajr. بحسب التجربة. Donc selon les expériences connues. نعم. يعني في وقت رمضان ممكن يعني بعض الناس يعني أعطونا بعض الأموال لكي نتم المساكين وقد يعني مدى رمضان وبقي لنا من الأموال فماذا نفعل بهذا المال؟ هي يعني حددوها للإطعام في رمضان؟ غير مكتوب في السؤال نجي حددوه؟ استأذنوا الجهة التي أعطتكم في أن توزع على المساكين لأن المساكين موجودون في رمضان وفي غير رمضان والمحتاجين. Donc la question est que certaines personnes ont donné donc de l'argent afin que les gens puissent nourrir les pauvres pendant le mois du Ramadan et que ce mois est terminé qu'il reste encore de l'argent alors que les gens ont bien spécifié que c'était pendant le mois du Ramadan. Donc Chéri dit demandez la permission à ces personnes afin de nourrir les pauvres, car les pauvres sont pendant le mois du Ramadan et aussi autres que le mois du Ramadan. Donc, il faut donc, comme il a dit, il a tout simplement répété ce que je viens de dire. Non. Ma tansahoun bihi min kutub mukhtasara. Il y a des filles au sol du tafsir. أنصح بكتاب الشيخ محمد الصالح العثيمين مختصر في أصول التفسير وهو جيد للطالب العادي والمبتدئ. Donc, Cheikh, la question est quel est votre conseil pour les livres donc les livres résumés dans le domaine des bases du tafsir. Et donc, Cheikh dit que je vous conseille le livre donc de Usul al-Tafsir de Cheikh Antimi, car il est bon pour la personne, pour le nouveau ainsi que pour la personne donc normale. C'est bien pour celui qui a déjà un petit avancement. أحسن الله إليكم. هل الأخبار التي وردت في تفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلها ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بشرط، ولكن بعضها اجتهادات منه رضي الله عنه، ولكن الذي ورد بسند صحيح وليس محلا للاجتهاد هذا له حكم الرفع. فهمنا؟ يعني الذي جاء بسند صحيح وليس مكانا أو محلا للاجتهاد مثل مسائل غيبية لا يمكن أن يخبر بها إلا عن توقيف مثل حديث الكرسي موضع القدمين ونحو ذلك، فلا شك أن مثل هذا له حكم الرفع لا بد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشياء التي في سندها ضعف أو الأمور التي يعني ليست في باب العقيدة وهي محل الاجتهاد، فهناك مسائل اجتهادية قد يكون ابن عباس رضي الله عنه قد أصاب فيها وقد أخطأ، مثل يعني وجوب حج يعني حج التمتع. ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوبه، بقية الأئمة وغير أكثر الصحابة يرون الخيار بين الأنساك الثلاثة، فهذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. نعم. vis-à-vis des annonces donc mentionnées d'Abd Allah et Ibn Abbas رضي الله عنهما، est-ce qu'elles sont toutes remontées au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc Chéri dit que ce n'est pas nécessairement, dans le sens où si donc car il y a des fois donc des avis qui sont donc c'est des efforts d'interprétation, mais si donc la parole est authentique et en plus elle mentionne ici donc c'est-à-dire ce qui est du domaine du dogme ou ce qui est du domaine de l'invisible, et cela ne peut pas être donc mentionné par une personne comme ça, c'est-à-dire que elle ne peut venir que de la part donc d'un texte ou d'un texte religieux, en ce moment-là donc elle revient bien sûr aux autres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est un effort d'interprétation, donc il a donné l'exemple, donc lorsqu'il a donné l'exemple de dans l'Aqidah, il a donné l'exemple de Mawdi' al-Qadamayn, c'est-à-dire ici donc l'endroit donc des pieds, ainsi que lorsqu'il a mentionné aussi que le Hajj Tamattu, donc le Hajj Tamattu a été obligatoire alors que c'était un effort ici d'interprétation de sa part, alors que la majorité des compagnons donc voient que dans ce domaine-là il y a en vérité le choix, c'est-à-dire on peut donc choisir un autre type de Hajj. كم بقي ثلاثة دقائق نترك لهم سيتوضؤون نختم بهذا مباشرة إن شاء الله. بارك الله فيكم، أستودعكم الله إلى درس غد في الظهر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.